ratait mon téléphone gay. Quand il a rendu tout, j'fais très honnête au terroir, pas trop fil de flavor. Dès que t'arrive, quand ich da rein sein, muss ich da rein. Ich bin allein.